Votre attention, s'il vous plaît. Nous vous avertissons qu'après écoute de cet épisode, il ne restera plus aucun mystère dans votre vie. Toutes les questions que vous vous posez seront résolues. Et vous ne pourrez plus jamais prétendre à l'innocence joyeuse qui rend l'existence si légère. Vous saurez. À bon entendeur. Épisode 12. Bonus. Si vous écoutez cet épisode, c'est que vous l'avez mérité. L'univers est étrange et troublant. Nous ne sommes qu'une poussière dans l'infini du ciel. Tant de questions restent sans réponse. D'où venons-nous? Où allons-nous? Qui a tué le colonel Moutarde? Comment le Goëc a-t-il découvert l'identité de Matteo après l'avoir vu sortir de la cache pastafarienne? Quel est le sens de la vie? Ah, attendez, ça, on a la réponse. Non, pas pour le sens de la vie, celle juste avant, le Goëc. Il voit deux bons hommes sortir d'une cache et il se dit « Tiens, des flics, je vais les appeler ». Il s'était rappelé l'adage qui dit qu'il n'y a rien de plus reconnaissable qu'un flic en civil, si ce n'est deux flics en civil. Quant à savoir leur nom, ne quittez pas. Commissariat central, j'écoute. Oui, bonjour, je cherche à joindre un inspecteur que j'ai croisé rapidement dans le cadre d'une de ses enquêtes et c'est bête, mais j'ai oublié de prendre son nom. Ouais. Il ressemble à quoi ? Un grand roux qui grogne pas mal et a l'air aussi heureux qu'un ours polaire en Floride, ça vous dit quelque chose ? Oui, Razzoni. Ah. Bon, je vous le passe. Bon courage. Et c'est parti pour le show ! La suite, vous la connaissez. Le terrible enchaînement de circonstances qui allait entraîner Claude Le Goaeg vers sa perte. Comme souvent dans les récits réalistes, c'est sa bonté qui le perdra. Claude, comme presque tous les Bretons d'origine savoyarde par leur mère, était doté d'un bon sens qui frisait l'indécence. Il ne faisait aucun doute pour lui que la déco néo-bolo de l'appart de Matteo était signée Fredo. Chapeau, Clo-Clo. Alors, bienveillant, il l'appela. Malheureusement, ça sonnait occupé. Drôle de hasard, songea Claude qui avait tendance à voir du mystère là où il n'y en avait pas, au cas où vous ne l'auriez pas compris. Et quand il le rappela un peu plus tard... Bonjour, Barnabé, répondeur, message, bip. Heureusement, comme tous les Savoyards d'origine bretonne par leur père, le Goaeg était philosophe. Bon bah tant pis, je vais laisser un message. Ce qu'il fit. Fredo, ici Luigi, Luigi Ravioli, des ravioles de gambe. Bon, désolé de te déranger sur ton répondeur, mais j'ai eu comme un doute quand deux poulets sont venus me cuisiner. à propos d'un appart repeint à la sauce bolognaise... Ça m'a rappelé ton projet « Bolognese is the best » qu'on a rejeté 4 fois en pasta session. Et vu la gueule du type concerné, on n'a pas eu tort. Bref, il serait temps d'arrêter les conneries, mon gars. Allez, pesto sur toi, Fredo. Mais dès le lendemain, bam, le téléphone de Le Goaeg se met à sonner. C'était Fredo. Vous ne devinerez jamais comment la conversation a commencé. Allô ? Je vous le jure. Allô ? Luigi, c'est Fredo. Ah, salut Fredo. Bon, alors, rassure-moi, t'as quand même pas été assez con pour aller repeindre à coups de bolognaise l'appartement d'un flic. Mais non, mais c'est pas ça, mais enfin, j'étais... Putain, mais Fredo ! Je veux pas d'emmerde, Luigi, je te jure, j'ai pas fait exprès, je voulais pas, enfin, je... Calme-toi, gamin, ça ira pas comme... On peut se voir ? Se voir ? Ok. Je connais le lieu de rendez-vous parfait. Et là, c'est le drame. Fredo flippe, tremble, se dégonfle, et Jessica Carbonara prend sa place. Voici ce qu'il advint ce soir terrible. Il faut d'abord s'imaginer le contexte. Un parking souterrain tellement mystérieux qu'on ne serait pas étonné d'y croiser Jack Bauer en pleine partie d'échecs avec Sherlock Holmes. Il fait sombre, il fait froid. Un néon fluo clignote vaguement, histoire d'être dans le ton. Au milieu de ce capharnaüm de gris, un homme, le Goaeg. Fini de jouer, Fredo. L'heure est venue de rendre les armes. Fini de courir, gamin. La course a été belle. Mais on dirait bien que t'as pris un faux départ. Ah ouais, c'est bien ça. Sinon... Fredo, tu penses... Qui êtes-vous? Qui êtes-vous de me vouloir là d'abord? Je suis... Pasta. Pasta farci? Pasta farla? Pasta gueule à la récré. Ok, moi je veux bien discuter, mais il va d'abord falloir poser ce pot de bolognaise, madame. Dieu était nouillé, ce qu'elle a voulu. Ainsi soit-il, ramène. Il lui manque un truc, quand même. Tu lui as mis des pâtes dans la bouche? Évidemment. Je n'allais pas lui mettre du riz. Ça n'aurait eu aucun sens. À ce stade, il n'est pas exagéré de dire que les relations entre Pasta Fredo et Jessica Carbonara s'étaient légèrement détériorées. Pourtant, tout avait si bien commencé. Quand Jessica Carbonara a rencontré Pasta Fredo, alias Barnabé Nicolin, c'était un pauvre garçon perdu, sans repère, cherchant en vain un sens à son existence en semant le désordre autour de lui, ne vivant que sur le malheur, la détresse et la rapine. Il était trader chez BNP. Non, mais on reste sur ce qu'on s'est dit en conf-call. Tu m'upgrades les systèmes pour qu'on se retrouve pas down sur le ceiling. Ok? Nothing. Tu m'uploads les datas pour le biz avec les English? C'est understood? Ok, parfait. Perfect, je veux dire. Bonjour. Attends, j'ai une chelou avec une passoire sur la tête qui m'emmerde. Madame, vous êtes sur mon way, là. C'est pas moi, c'est votre nouille. What? L'appendice suprême m'a envoyé vers vous. Venez embrasser sa majesté nouillesque. Je te call back. Croyez-le si vous voulez, il ne lui fallut pas plus de quelques jours, ainsi qu'un bug général dans le système informatique de la BNP, pour convertir le jeune Nicolin à sa parole. Enfin, il avait un but dans la vie. Il serait pastafarien, un point c'est tout. D'abord, tout ne fut que folâtrerie et joie dans les plaines immenses de l'ivresse infinie de sa nouillesque et illicité. Jessica convainquit celui qui se faisait désormais appeler Pasta Fredo d'intégrer un groupe pastafarien, les Ravioles de Gambe, pour y porter la bonne parole. Mais l'enthousiasme de Fredo effraya ces derniers qui le chassèrent alors qu'il commençait à peine à mettre en place son plan d'embuscade. Un survol en deltaplane d'une conférence de presse de la Palice pour effectuer une attaque de sauce en piqué. Bolognaise, carbo, pesto, enfin n'importe quoi, sauf du ketchup. Évidemment, jamais de ketchup en pastafari. Hélas, il fut mis à la porte avant de pouvoir passer à l'acte. Exactement une semaine après la témoin énervée. Mais si, rappelez-vous, la témoin Feng Shui qui aimait tant insulter Mathéo. Bon, réécoutez l'épisode 8. Ça y est, vous la remettez? Donc, elle était partie une semaine plus tôt. Nous n'avons pas les détails de son départ, mais voici un extrait du dernier appel que lui a passé Julie, la chef des pastafariens. Mais je sais que tu avais tes raisons pour... De quoi? Oui, le coup de... Sur ton... Mais il n'avait pas compris, Vladimir, que c'était ta passoire. Et ta spatule, oui. C'est un peu dommage qu'elle ait... Mais enfin, c'est qu'une spatule, quoi. Et puis Fredo, il est ce qu'il est. Mais il n'avait pas de mauvaises intentions, même si il n'aurait pas dû manger ton... Bon, bref, j'ai fait le point avec Luigi. Et enfin, tout ça pour te dire que... comment te dire, On comprend ton départ. On accepte ta décision à l'unanimité. Hein? Voilà. Bon, en tout cas, c'était... au revoir. Enfin, pour en revenir à Fredo, il se retrouvait donc mis à la porte avant d'avoir pu mettre en place son grand projet. Et alors qu'il avait passé 3 semaines à aménager un putain de double fond dans la cage des ravioles de Gambe. C'est vraiment une galère à fabriquer. La preuve, il n'y en a plus chez Ikea. Désabusé, plein de tristesse, de colère et d'ampoule, il s'apprêtait à vider son placard, littéralement. Il voulait récupérer les documents compromettants et embarquer une bonne dizaine de kilos de ramen en guise de vengeance lorsqu'il trouva sa planque déjà vidée. Nom d'un spaghetti trop cuit, songea-t-il en bon pastafarien et en lui-même. Qui donc est responsable? Mais comment diantre s'y prit-il pour déterminer que c'était Matteo, l'enquêteur responsable de l'enquête? Me demande Geneviève du Périgord. Eh bien, Geneviève, lui répondrai-je, déjà, je vous recommanderais de surveiller vos tournures de phrases. Enquêteur responsable de l'enquête. C'est un peu redondant. Si je serais vous, je dirais plutôt l'enquêteur responsable de l'affaire. C'est vachement important de s'exprimer juste. Ensuite, Geneviève, réfléchissez 2 minutes. Ça tombe sous le sens. Bon. Dans un premier temps, Fredo, malin comme tout, eut l'idée de demander à la concierge de l'immeuble qui était venu fouiller la cache. Comment ? Je ne vous ai pas dit qu'il y avait une concierge ? Oui, mais je ne peux pas non plus tout le temps vous mâcher le travail. Bref, il apprit par sa concierge traumatisée que 2 lieutenants étaient venus et que l'un d'entre eux avait... Commissariat central, j'écoute. Oui, bonjour. Je cherche le nom d'un policier dont je n'ai que la description. Vous pensez que vous pourriez m'aider ? Essayez toujours. Eh ben, d'après ce qu'on m'a dit, c'est un costaud qui grommelle et qui a... qui a insulté le chien de ma concierge. Razzoni. C'est Razzoni. Je vous... Allô ? Et je vous vois venir, Geneviève. Certes, il avait son nom, mais quid de l'adresse ? Bon, déjà, Geneviève, mollo avec le latin. Ensuite, Fredo, jamais à court de ressources, a mené sa petite enquête auprès de ses anciens collègues de la banque. Et bingo, Matteo avait un compte à la BNP. Après ça, Fredo n'avait plus qu'à se faire envoyer toutes ces informations. Drôle de hasard, me direz-vous ? Certes. Mais sans cet enchaînement de coïncidences, vous n'auriez pas eu plus de 3 épisodes. Donc ne vous plaignez pas. Et s'il n'est pas encore clair pour vous qu'il n'y a pas de hasard, mais simplement les caprices d'un monstre spaghetti volant alcoolique, je vous suggère encore une fois de tout réécouter. Attentivement. En tout cas, passez l'embolognaisement, à moins qu'on ne dise en bolognaisage, de l'appartement de Matteo, Fredo avait assouvi sa soif de vengeance et était prêt à consacrer son énergie à l'organisation du feu et lumière en cathédrale prévue par Jessica Bonara. Seulement, il y eut la mort de Le Goaec, puis l'empoisonnement d'Esconza. Mais si, rappelez-vous, Vladimir, le petit rigolo de l'épisode 6, Poilococcis. Jessica avait su trouver le bon prétexte pour l'appâter. Un dictionnaire du jeu de mots ? C'est formidable ! Oh, je suis bouillant. Après votre coup de fil, j'ai pas dormi de la nuit. Oh. Nuit vue, nuit connue. Alors, pour tuer le temps, tacule, je vous ai fait un top 100, mais pas des pieds, hein, de mes préférés. Même si mieux vaut un champ boisé qu'un préféré, pas vrai ? Je me mets sur la chaise ? Oui. Je sais pas, parce que j'hésite un peu. Ok, ok, je m'assois. Comme le verre. Le verre à soi. C'est quoi ce tube ? Ah non, je sais. Vous allez me dire, comment vas-tu ? Yo de caoutchouc ? Nous pouvons tous avoir une pensée émue pour Vladimir, dont le dernier mot aura été un calembour qui ne faisait déjà plus rire du temps de sa grand-mère. Toujours est-il que tous est mort. C'en était trop pour Fredo, qui, pour un ancien trader, manquait étrangement de soif de sang. Jessica... Si, si, je vous jure. C'est trop pour moi. J'ai beau être un ancien trader, je manque étrangement de soif de sang. Mon petit écureuil au pesto. toutes ces choses te dépassent. N'essaye pas de me prendre par les sentiments, Jess. C'est fini pour moi ton pastafarisme. Je veux faire comme Jérôme Kerviel. Retourner aux sources. Je me suis inscrit pour une retraite dans une ancienne usine Panzani en Sicile. Rien ne pourra m'en détourner. Un feu d'artifice et 4 coups de couteau plus tard, il en était détourné. Ainsi s'achève la triste histoire de Barnabé Nicolin, alias Pastafredo, qui voulut être Pastafatou et qui finit Pastafarien. J'entends encore des insatisfaits s'agiter derrière leurs écouteurs. Quoi ? Tout n'est pas limpide pour vous ? L'évidente simplicité de la suite des événements ne vous saute pas aux yeux comme le ferait un écureuil schizophrène en manque de noisettes ? Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Comment Jessica a transporté le corps d'Esconza jusqu'au terrain vague où nos héros l'ont retrouvé ? Et si je vous disais qu'elle était championne régionale de bodybuilding dans sa jeunesse, hein ? Ça vous emboucherait un coin ? Bon, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Il se trouve qu'elle l'a mis à mort pas très loin du terrain vague, qu'elle avait une camionnette de location et un diable pour transporter le corps. Voilà. Heureux ? J'imagine que non. En même temps, Marie, que vous avez prévenu, la réalité est toujours décevante. Certains s'inquiètent également de la collègue de Karim et Matteo qu'on ne revoit plus après l'épisode 2. Nous ne pouvons pas trop en dire pour des raisons de sécurité nationale, mais disons qu'elle fut envoyée ailleurs, en mission spéciale. Voici le seul enregistrement que nous ayons pu obtenir. Ici Koala Bleu. Koala Bleu, c'est le surnom de la collègue en mission. Ne posez pas de questions, nous vous en avons déjà beaucoup trop dit. Grâce à vos indications, j'ai pu déjouer la tentative d'enlèvement du sous-préfet. Il ne me reste plus qu'à déterminer qui est le sous-préfet et ma mission sera complète. Over. Bref, rien qui nous intéresse outre mesure. Ah, excusez-moi, je viens de recevoir un nouveau courriel de Geneviève qui, après avoir réécouté l'ensemble de la série, s'offusque de la légère dilatation temporelle qui s'est produite entre l'épisode 8 et l'épisode 9. Ah, décidément, Geneviève, vous êtes attentive. En effet, je pense que tout le monde s'est aperçu qu'au cours de l'épisode 9, nous sommes passés du vendredi au samedi sans que nuit n'advienne. Bon, admettons qu'il faille, en théorie, une nuit de lune entre deux levées de soleil pour qu'une journée se passe. Comment en sommes-nous arrivés là sans que personne, au sein du récit, n'en soit perturbé outre mesure ? Encore qu'il semble que Karim s'en soit presque aperçu à un moment. Réécoutez bien l'épisode 9. Eh bien, je pourrais esquiver la question, vous enfumer en parlant de la relativité du temps, de trous de ver et de perturbations quantiques ayant fait vibrer la trame même de l'espace-temps. Mais ce serait malhonnête. Non, la réalité est bien plus triviale que ça. Le monstre spaghetti avait le hoquet. Okay. Alors non, je suis pas du tout. Le hoquet, okay, c'était juste pour déco. Mais, pinaise, mon très spaghette, qu'est-ce qui t'arrive ? Rien, Mary. Tout va bien. Mais t'as le hoquet ? Mais je sais comment te guérir. Hein ? Non, pas besoin. Je suis le monstre spaghetti volant. Rien ne peut m'atteindre. Je suis une fourchette géante. Et je vais te manger. Oh, merde ! Arrête ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Spaghetti. Ah, oui, ça. Évidemment, à première vue, ça pourrait paraître étrange, voire totalement absurde, mais pas du tout. Cette situation, comme tout le reste, est parfaitement cohérente. Je pourrais vous démontrer en détail le pourquoi du comment, mais on n'a pas le temps. Pour faire court, disons que si les voix du Seigneur Machin sont impénétrables, celles VOIX du monstre spaghetti seraient plutôt du genre multiple. Voilà. Et donc, quand le monstre est là, Homer n'est jamais loin. Et inversement. Bon, on peut continuer maintenant ? Bien. Puisque nous en avons fini avec les problèmes existentiels de Geneviève, il reste un dernier point que je tiens à éclaircir. Marik. Marik et ses surgissements. Comment s'y est-elle prise pour arriver à point nommé et sauver la carotide de notre cher Mathéo ? Oui, cher Mathéo, on s'y est attaché avec le temps. Ne me dites pas le contraire. En fait, les amis, la réponse est très simple. Réfléchissez bien. Mais, dans un premier temps, réécoutez à nouveau l'ensemble de la série. Sauf Geneviève. C'est fait ? Alors ? Vous n'avez pas trouvé ? C'est toujours la même chose. Les réponses sont partout autour de nous, mais nous ne savons jamais quelles questions leur poser. Nous sommes capables de fissurer des atomes en deux coups de cuillère à neutrons, mais nous ne savons toujours pas établir avec certitude la corrélation entre un regard et un sourire. Machin peut vous trouver en trois clics la capitale de l'Ouganda, la superficie du Poitou ou les préférences sexuelles des orchidées, mais il n'arrive toujours pas à expliquer pourquoi, quand Machine a penché sa tête sur le côté en le regardant, son cœur a manqué un battement. Nous n'avons pas assez de questions pour toutes nos réponses. Pourquoi Marik était là ? Mais c'est évident. C'est parce que, si elle ne l'avait pas été, Mathéo serait mort. Or, Mathéo est vivant. C'est donc que Marik était exactement là où elle devait être. Et voilà. Ce qui compte, c'est que le monstre spaghetti veille sur vous du sommet de son impériale gueule de bois. Et maintenant, enfilez vos passoires et au lit. Et n'oubliez pas, tout sauf du ketchup. Jamais de ketchup. Ramène.